Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans l'émission mensuelle du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Maurice Bedouin et de Jean-Paul Grachignard et nous allons discuter autour d'un article consacré à la mine aux mineurs de Montieu entre 1891 et 1909. Bonjour messieurs. Bonjour Loïc. Bonjour. Oui, alors c'est le plaisir de rencontrer Jean-Paul Grachignard, qui est un fidèle de l'émission. Il est membre du GREMOS et a travaillé au service scientifique du musée Couriau de 2008 à 2020. Il a été co-commissaire de deux expositions, Pauvre mineur, mineur joyeux et Catastrophe minière. Et à cette occasion, il a rédigé les deux catalogues. Et à la technique, eh bien, nous avons Loïc. C'est un plaisir. Alors, peut-être un clin d'œil de l'actualité nous est fourni par, en mars 2021, ce que la presse nous a relaté, c'est-à-dire un trou de 10 ou 12 mètres de profondeur qui s'est ouvert dans la chaussée, dans le quartier de Saint-Étienne-Montieu. C'est une manière de nous dire, bah oui, sous vos pieds, la mine a existé, et cette mine, c'était la mine de Montieu, dont nous allons parler ensemble avec Jean-Paul. Dans la Loire, plusieurs expériences de coopératives de production ont été tentées. Ouvriers à domicile, verriers chez Richard, c'était la verrerie aux verriers, et dans les mines, avec trois expériences, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, Jean-Paul. Oui, mais la mine aux mineurs de Montieu à partir de 1891. Oui. Et puis les autres? La mine aux mineurs du banc arrive de Gier à partir de 1866. Alors, c'est tout petit. Hein. Ils sont une dizaine. Ils font du glanage, dont d'anciens chercheurs d'or, et ils font du glanage dans d'anciens travaux. Et puis, à partir de 1886, ça y est, ça m'échappait, la mine aux mineurs de Rive-de-Gier, qui ressemble beaucoup à celle de Montieu, pour le coup, et qui est un peu antérieure, et qui rassemble qu'à peu près une soixantaine d'ouvriers. Et il faut dire que parmi ces trois expériences, c'est celle de la mine aux mineurs de Montieu, qui est la seule à avoir acquis une véritable notoriété dans la France entière, voire même à l'étranger. Oui, alors, donc la mine aux mineurs de Montieu, ça a été la principale expérience de mine aux mineurs en France. Ça a été par le nombre d'ouvriers, tout simplement, et ça a été aussi la plus connue. Disons, on croise plusieurs débats, c'est-à-dire qu'il y a un débat sur la propriété des compagnies minières. Il y a un principe assez simple des courants socialistes au XIXe siècle, c'est la terre à ceux qui la travaillent, mais dans le cas du charbon, aussi ça marche finalement. Ils appliquent un peu le même principe. Donc il y a des débats sur est-ce bien normal de donner les mines en concession à des compagnies privées qui sont soulevées, qui sont particulièrement vives justement dans les années 1880, 1890, 1900. On a ça. On a une autre question qui est donc la question des coopératives ouvrières qui est très vive depuis 1848 à peu près, hein, sachant qu'il y a une très très longue histoire de l'autogestion, c'est bien antérieur à la Révolution française, c'est très vieux. Et on a aussi un autre facteur qui intervient, c'est la série des catastrophes minières, puisque en 1891, eh bien, on est juste après la catastrophe de Verpilleux en 1889, qui fait plus de 200 morts. On n'est pas très loin après la deuxième explosion du Puy Jabin en 1876, qui en a fait plus de 190. Voilà. On est, juste avant. Mais alors, le banquet inaugural de la mine aux mineurs, c'est à la Sainte-Barbe, 1891, donc le 4 décembre. Et le 6 décembre, on a la catastrophe du puits de la manufacture qui fait plus de 70 morts. Donc on est en plein dans la grande série des catastrophes minières stéphanoises. Donc on a ces trois trois séries de facteurs, trois séries de, qui mettent la question des mines aux mineurs en plein dans l'actualité. Et c'est un gros slogan. Et on a énormément de courants politiques et idéologiques qui s'intéressent à la question des coopératives ouvrières. Et c'est d'une très, très grande diversité. C'est-à-dire que ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ça va de courants monarchistes, donc, qui voient dans les coopératives ouvrières un peu une façon de ressusciter les corporations de l'ancien régime, aux anarchistes. Bon, donc, l'extrême opposé du spectre politique, en passant par à peu près presque tout ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire des radicaux. Valdec Rousseau était favorable aux coopératives ouvrières. Alors lui, dans une perspective pas du tout anarchiste, mais comme entraînement des ouvriers à la gestion et aux contraintes de gestion des entreprises. À peu près tous les courants socialistes y étaient favorables, bon, chacun avec ses nuances. Voilà, les catholiques sociaux aussi s'intéressaient à la question, typiquement le Léon XIII dans l'encyclique Rerum Novarum, qui est quand même une très très grande date dans l'histoire des politiques sociales de l'Église, c'est pratiquement la date principale. Lui, il n'est pas tout à fait dans l'optique légitimiste, mais voilà, il s'intéresse aussi aux coopératives et il y voit un peu d'une manière de ressusciter les corporations. C'est un peu ça son optique. Bon, il faut lire le texte de près, il faut regarder. Voilà. Enfin, on a donc pratiquement les deux tiers du spectre politique français à l'époque qui sont en faveur des coopératives ouvrières, même si c'est avec des interprétations totalement différentes et totalement antagonistes. Donc il y a une grosse sympathie pour les coopératives ouvrières. Et on peut dire aussi que à l'étranger, on a un œil sur la France et on a un œil sur cette mine aux mineurs, puisqu'il y a eu un article dans la Gazette de Lausanne. Oui, d'un sociologue célèbre, Wilfredo Pareto, c'est... En 1901. C'est un membre... Oui, donc en 1901, donc 10 ans après la création. Mais, oui, ou... Comment dire? Donc, l'intérêt va effectivement au-delà de la France. C'est un des gros exemples d'entreprises coopératives en France. C'est une date dans l'histoire des entreprises coopératives en France. Alors, replaçons-nous maintenant dans la perspective des lieux. En 1891, que représente la concession de Montieu? Alors, c'est un bout de la concession de Terre-Noire, hein, qui est assez étendue puisqu'elle va, donc, elle couvre Terre-Noire, la commune de Terre-Noire de l'époque, et elle va, grosso modo, jusqu'au boulevard Normandie-Niemen et jusqu'à la rue de la Monta. Donc, c'est une concession très étendue qui a été ensuite attribuée, on dit... Fragmentée. Hein. Fragmentée. Alors, oui, l'histoire des concessions minières dans le bassin de la Loire, on a de quoi faire plusieurs émissions avec, sans problème. On revient quand vous voulez. souvent, déjà, il y a eu très nombreuses concessions créées dans le bassin, beaucoup plus que ce que souhaitait l'administration des mines. Et ensuite, ces concessions elles-mêmes ont été fragmentées, ont été amodiées entre plusieurs exploitants, dont la compagnie de Montieu, qui avait une partie de la concession de Terre-Noire. Et elle, toute petite, 71 hectares, quand on pense aux exploitations agricoles d'aujourd'hui, c'est tout petit, ça. Oui, mais c'est lié à l'histoire des concessions minières dans la Loire, qui est une histoire très, très particulière. Alors, 1891, la compagnie Stern vient de faire faillite. Voilà. Et c'est en plein dans l'actualité, puisque en juin 1891, la Chambre des députés a voté un vœu disant que si des compagnies minières de charbon faisaient faillite, eh bien les concessions devraient être attribuées à des coopératives ouvrières de mineurs. Voilà. Pour que la Chambre des députés vote ça, alors c'est un vœu. C'est un vœu pieux, je dirais, mais il s'est quand même passé quelque chose. Et donc, c'est le syndicat des mineurs de la Loire, la chambre syndicale qui est des mineurs de Saint-Étienne, qui se porte volontaire pour reprendre la mine aux mineurs de Montieu et qui lance une souscription, qui reçoit de très nombreuses sommes de particuliers, de villes, de l'État, enfin de toutes sortes de sources, ce qui permet de racheter de racheter la concession, les puits, le matériel qui va avec. Alors on peut dire qu'il y a un succès d'estime vis-à-vis de cette initiative qui est prise en matière d'autogestion. On peut dire que le monde mineur ne laisse pas indifférent, parce que c'est un monde qui souffre et parce que c'est aussi un monde qui se rebelle quand il le faut. Et là, il s'organise. Oui, tout à fait. Oui, et puis il y a un autre facteur majeur, c'est que le charbon, c'est complètement stratégique à l'époque. C'est stratégique pour l'énergie, c'est stratégique pour l'industrie, c'est stratégique pour l'armement, hein, puisque pas de charbon, pas d'acier, pas de canon. Enfin bon, voilà. Donc c'est vraiment un secteur clé. C'est d'ailleurs la donnée de fond qui explique que la législation minière est souvent en avance sur la législation sociale française à l'époque. Avec, dans cette petite concession de 71 hectares, plusieurs puits. Un puits qui hérite du puits, un puits Sterne, là, qui existait auparavant, et puis aussi un puits Saint-Simon. Saint-Simon qui était un puits d'aérage pour le puits Sterne. Oui, alors honnêtement, Maurice, là, tu me poses un peu d'école parce que j'ai pas fait l'histoire des puits de la concession. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons là, par les cartes postales, des puits qui sont bien présents dans la représentation mentale des Stéphanois. Et ce que j'ai appris tout à l'heure, quand tu me montrais tes archives, il y avait aussi des fendus. Oui, alors de toute façon, toute la zone de Montieu, toute la, le long de la rue des Alliés maintenant, c'est une zone d'affleurement minier. Et toute la zone, c'est absolument plein de puits, de fendus, etc. Alors pour satisfaire à la loi, se constitue, tu le disais tout à l'heure, une société stéphanoise de la mine aux mineurs qui verse 10 000 francs pour devenir propriétaire de l'exploitation, mais il reste à trouver les fonds réels pour l'extraction et pour le matériel et l'entretien. Alors, les sommes recueillies par les collectes sont assez importantes, mais il faut bien comprendre que la mine, c'est une industrie lourde qui demande beaucoup de capitaux, parce que foncer un puits de mine, eh bien, il faut payer l'entreprise qui creuse tout ça. Et ça, c'est avant de mettre en exploitation tel ou tel bout de couche de charbon. Hein. Donc, il y a beaucoup de gros matériel, il y a beaucoup de gros travaux. Ça demande beaucoup d'argent. Et puis, on a un espèce de, comment dire, de béquille, de coup en douce du préfet Lépine, qui est préfet de l'Eloire à l'époque. Hein. C'est celui du concours Lépine, c'est le même. Attribue une partie des subventions aux... Alors, c'est pas totalement illégitime, mais il se moque un peu du monde quand même. Il attribue une partie des subventions aux anciens mineurs de la compagnie de Montieu, d'une part, et d'autre part, au bureau de bienfaisance de la ville de Saint-Étienne, et pas à la mine aux mineurs. Alors, ce qui fait que, dès l'origine, la mine aux mineurs manque de capitaux. Elle lance assez vite des travaux importants, mais elle est toujours... enfin, en plus... Les banquiers lui prêtent pas d'argent, donc il y a toujours beaucoup de difficultés à obtenir des prêts de la part des banques. Hein. Bon, je dirais la situation des entreprises coopératives aujourd'hui, des expériences autogestionnaires aujourd'hui, ça ressemble pas mal. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Alors ce que tu faisais allusion là, à propos du préfet Lépine, ce sont les dons qui ont été donnés aussi bien par la Chambre des députés que par la ville de Paris ou par que les particuliers. Ou est-ce que ce sont des subventions d'État? Alors, il faut que je pêche dans mes antisèches. Là, excuse-moi, parce que là, je ne l'ai pas de mémoire. Je sais que je l'ai dans les papiers, je l'ai vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est la subvention attribuée par la Chambre des députés et une de la ville de Paris. C'est 60 000 francs en tout. Hein. Et oui, 50 000 pour la Chambre des députés et 20 000 pour la ville de Paris. C'est des sommes très importantes pour l'époque. Hein. Donc elles ont transité. Aujourd'hui, on compterait en centaines de milliers d'euros largement. Hein. Elles ont transité par la préfecture. Voilà. Qui ne les a pas attribués à la mine aux mineurs. Je comprends. Mais qui les a attribués, grosso modo, aux anciens mineurs de la compagnie de Montieu. Alors, si je peux continuer un peu, la compagnie de Monthieu employait 500 mineurs. Donc le fait qu'elle soit en faillite, c'est aussi un gros événement, hein, comme les annonces de licenciement chez Vallourec qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose de gros. Bon, hein, ça explique aussi que la demande du syndicat soit reçue très favorablement. Bon, la mine aux mineurs n'emploiera pas 500 mineurs. Elle emploiera entre 100 et 250 mineurs selon les périodes. Voilà. Mais c'est pas si mal que ça, parce que c'est beaucoup mieux que zéro. Ouais. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Parmi les donateurs privés, cette fois, il y a un agent de presse, un patron de presse du petit journal, qui s'appelle Marie Noni. Et qui est un personnage très important à l'époque. Marie Noni, c'est d'une part le propriétaire et directeur du petit journal. Donc, c'est un grand quotidien populaire de l'époque, hein, vendu, je ne sais plus, à peu près 1 million d'exemplaires en France. Et qui a un supplément illustré que les amateurs, que les collectionneurs connaissent bien aujourd'hui, puisque c'est un des principaux magazines illustrés de l'époque, avec des gravures souvent très outrancières, mais qui sont des documents importants encore aujourd'hui. Et Marie Noni, c'est aussi l'inventeur de la rotative, donc ce qui explique qu'il soit très riche. Et une manière de le remercier, entre guillemets, ce fut de lui octroyer le nom du principal puits d'extraction. Voilà, le puits Nord-Ouest a été rebaptisé puits Marie Noni, et au dos du menu du banquet d'inauguration, on a une chanson à l'honneur de Marie Noni par un auteur stéphanois. Superbe bâtiment qui est avec un chevalement en bois recouvert par de la maçonnerie, et une grande machine d'extraction qui se trouve devant. Alors, comme une véritable compagnie, le syndicat embauche. Il embauche qui ? Des ingénieurs. Alors, la question des ingénieurs, de toute façon, c'est une obligation légale. C'est l'administration des mines qui exige que les compagnies aient des ingénieurs, et les ingénieurs sont personnellement responsables des questions de sécurité, au moins l'ingénieur en chef. C'est dans les règlements de concession, directement. Donc, de toute façon, il n'y avait pas moyen de faire sans. Voilà. Et selon les périodes, la mine aux mineurs a eu un ou deux ingénieurs, ça a varié. Mais... elle a su, pour le coup, bien gérer les relations avec ses ingénieurs. C'est tout à fait remarquable. Et puis, la compagnie embauche des ouvriers qualifiés. Voilà, alors, donc, d'anciens mineurs de la mine au Monthieu, de la mine de Monthieu, mais pas tous. Alors, et après, donc, qui sont à ce moment-là sociétaires, qui ont chacun une action de fondateur, sachant que parmi les actionnaires, seuls les mineurs ont le droit de vote aux assemblées générales. Voilà. Donc, ils gardent complètement la maîtrise de l'entreprise. Et elle embauche ensuite des auxiliaires qui, eux, sont employés comme les mineurs dans les autres compagnies, c'est-à-dire qui n'ont pas les droits de vote. Et ça fait plusieurs procès. La vie de la mine aux mineurs est assez agitée. C'est assez intéressant à regarder et à raconter. Et puis enfin, le syndicat vend la production. Ben, le charbon est vendu sur le marché, oui. Ouais. Alors, le marché local, mais aussi il est exporté parce que la compagnie dispose d'un embranchement qui va sur Bérard et qui est rattaché au PLM. Oui, alors là, j'ai des tableaux des chiffres de production, mais je n'en sais pas plus ensuite sur la vente. Eh bien, je vous propose, chers auditeurs et auditrices, d'écouter tout de suite une illustration musicale de ce sujet extrait du CD Pauvre mineur, mineur joyeux, poèmes et chansons sur les mines et les mineurs de la Loire de 1815 à 1914. Comme un coup de grison qui gronde dans l'espace, nos mineurs ont cessé leurs travaux périlleux. Contre la compagnie, égoïste et rapace, ils luttent pleins d'espoir, fermes, silencieux. Tout est morne et désert dans ce gouffre funeste, où tant des leurs sont morts sans qu'on ait pu les voir. L'humanité s'indigne et le progrès proteste contre les exploiteurs manquant à leur devoir. Quand la houille appartient de droit aux prolétaires, pourquoi vouloir encore augmenter leur malheur? Tant que l'âme aura d'autres propriétaires, le peuple soutiendra la grève des mineurs. Les grévistes unis en phalange opprimée ont contre la misère avec le capital. Aux porteurs d'action, la loi, la force armée. Aux pauvres parias, la prison, l'hôpital. Voilà comme on vous traite, humaines hécatombes. De Jabinville-Boeuf, Verpilleux, Châtelus. Ceux qui vous font martyr et préparent vos tombes vous combleront d'honneur quand vous ne serez plus. Quand la houille appartient de droit aux prolétaires, pourquoi vouloir encore augmenter leur malheur? Tant que la mine aura d'autres propriétaires, le peuple soutiendra la grève des mineurs. Tant qu'une compagnie à l'âme criminelle mettra dans la détresse hommes, femmes, enfants, la solidarité d'une main fraternelle portera des secours à ces êtres souffrants. Et nous déshérités sur nos maigres salaires, prélevons une obole éclose dans nos cœurs. C'est par le dévouement des masses populaires que nos frères bientôt pourront être vainqueurs. Quand la houille appartient de droit aux prolétaires, pourquoi vouloir encore augmenter leur malheur? Tant que la mine aura d'autres propriétaires, le peuple soutiendra la grève des mineurs. Nous sommes toujours sur le 89.5 MHz de Radio Dio dans l'émission mensuelle du Grémos en compagnie de Maurice Bedouin et Jean-Paul Grachignard. Et on vient d'écouter ce morceau, La grève des mineurs. Est-ce que Jean-Paul, tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette illustration musicale? Oui, alors c'est une chanson qui est tout à fait d'époque, puisqu'elle est de 1890. C'est une chanson par Jean-François Gonon, donc le fondateur du caveau stéphanois et ensuite du temple de la chanson. C'est une chanson qu'il a composée à la demande du syndicat des mineurs de Saint-Étienne pendant la grève. Et c'est une chanson qui est complètement sur le sujet, puisqu'il paraît qu'il écrit que la houille appartient de droit aux prolétaires. Donc on est dans des débats sur la propriété et l'exploitation des mines. Et évidemment, alors il y a eu en 1890 une grande grève des mineurs de la Loire, et ça a aussi contribué à mettre la question d'actualité. Qu'est-ce qu'on fait des 500 mineurs de Montieu mis sur le carreau? Qu'est-ce qu'on fait de cette exploitation qui a fait faillite? Une véritable trouvaille, ce morceau. Merci, Jean-Paul. Alors, en fait, on l'a mis dans le disque du livre « Pauvre mineur, mineur joyeux ». Le disque peut être acheté séparément à la boutique du musée de la mine et dans certaines librairies en ville. Voilà, n'hésitez pas à le demander si ça vous intéresse. C'est toujours en vente pour le prix de 12 euros. Et il est interprété par Béatrice Moulin. Alors, nous poursuivons notre dialogue à propos de la mine aux mineurs de Montieu, 1891-1909. Je rappelle les dates parce que maintenant, nous pouvons peut-être entrer dans une étude un peu plus chronologique de ce qui s'est passé. Et on peut dire que les débuts ont été assez difficiles, Jean-Paul. Alors, oui, les débuts ont été difficiles, d'une part parce qu'elle manquait de capitaux, et d'autre part parce qu'il y a eu assez vite du tirage et des procès. Le premier procès étant un procès du syndicat des mineurs contre les dirigeants de la mine aux mineurs, qui étaient eux-mêmes d'anciens syndicalistes. C'est-à-dire que les membres du syndicat, les principaux syndicalistes qui s'étaient investis dans la création de la mine aux mineurs, ont organisé les choses, les débats, la discussion à leur manière. Et quelques années plus tard, le syndicat n'était pas content et leur a fait un procès. Bon, ça a agité la presse locale pendant quelques mois. Ça a fini par se tasser parce qu'ils ont trouvé un compromis, une manière de faire. Voilà. Et après, on a eu les procès des auxiliaires. C'est-à-dire, donc j'ai parlé tout à l'heure des auxiliaires, des ouvriers qui avaient été embauchés, mais sans avoir d'action de la mine aux mineurs, et donc sans avoir de droit de vote dans les assemblées générales. Il y avait des assemblées générales entre 3 et 4 fois par an, donc très souvent, qui examinaient aussi bien les questions des sanctions, des investissements, de toutes sortes de choses. Et donc les auxiliaires, une partie des auxiliaires n'acceptant pas à cette situation, a donc fait un procès à la mine aux mineurs et ils les ont gagnés. Le premier procès des auxiliaires a été gagné et donc, quelques années après, la mine aux mineurs a attribué des actions à ces auxiliaires qui sont devenus des sociétaires comme les autres. Mais il y a eu un deuxième procès des auxiliaires et entre-temps, les statuts avaient été modifiés puisque le juge n'a pas jugé d'une manière morale ou politique. C'est pas comme ça qu'il s'est posé les questions. Il s'est posé les questions, qu'est-ce qui est écrit dans les statuts? Est-ce que ça correspond? Oui, non, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Voilà. Donc, comme les premiers statuts avaient dit des choses qui avaient fait gagner les auxiliaires, ensuite, les mineurs actionnaires, ceux qui avaient le droit de vote, ont modifié les statuts pour que les auxiliaires ne puissent pas gagner le deuxième procès. Bon, et donc ils ont perdu le deuxième procès. Alors on est dans une question extrêmement intéressante. Est-ce que une coopérative ouvrière doit être aussi bien d'ailleurs dans les débats avec le syndicat qu'avec les auxiliaires. On est dans des questions très intéressantes. Est-ce qu'une coopérative ouvrière, est-ce qu'une entreprise coopérative doit être exploitée, si on emploie le mot, pour soit le bien du syndicat et par exemple aider à la caisse du syndicat ou à ses entreprises de propagande, ou est-ce qu'elle doit être exploitée de manière à embaucher et faire participer le maximum de monde, ou est-ce qu'elle doit finalement devenir la propriété collective des gens qui sont là au départ, mais qui eux-mêmes en emploient d'autres ouvriers, comme si finalement ils étaient un patron. C'est des questions fondamentales. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises coopératives, il y a des clauses qui disent on est embauché comme stagiaire et au bout d'un an, on peut devenir actionnaire comme les autres si on choisit, en payant des retenues sur salaire qui servent à financer l'action. Enfin voilà. Mais on voit que ce débat existe déjà à l'époque, sous des formes différentes d'aujourd'hui, mais c'est des questions tout à fait importantes. Parce que finalement, si c'est un groupe restreint qui dirige collectivement cette entreprise, ça devient une sorte de patron collectif. Et oui. Ça n'est plus du tout dans les idéaux coopératifs. Donc ça pose des questions, vraiment. Passionnant débat. Et s'y ajoute aussi au problème du début, les travaux qui sont de plus en plus coûteux et de moins en moins rentables. Alors, je nuancerai un peu. C'est-à-dire que, en fait, dès 1893, donc la mine aux mineurs est créée en décembre 1891. Donc 1893, on est un an et demi après la fondation. Elle entame des travaux importants. Et y compris d'ailleurs, les ouvriers choisissent de ce point de vue-là de faire des sacrifices en termes de salaire, en termes d'horaire, pour pouvoir financer ces travaux. Donc, et puis ce qui se passe à partir de 1895, on a une remontée du prix des charbons. Oui. Qui, voilà. Ce qui fait que en 1900, enfin entre vers 1899, la Mino Mineure a une situation économique florissante, c'est-à-dire qu'elle a remboursé toutes ses dettes, elle a augmenté les salaires des mineurs, elle a créé, elle s'est fait des réserves financières, et donc à ce moment-là, elle est en très bonne santé économique. C'est en partie lié aux investissements qui ont été faits. Mmh. De toute façon, une mine ne vit pas sans investissement. Une mine, c'est une carrière souterraine. Et une fois qu'on a enlevé le charbon à un endroit, eh ben, il faut aller plus loin pour en enlever d'autres. Voilà, c'est forcément une exploitation itinérante. C'est qu'il se déplace dans le sous-sol. Donc le niveau de production augmente beaucoup. On passe à 50 000 tonnes par an à cette époque-là, contre 22 000 dans les années précédentes. Le prix de la tonne au charbon est en hausse. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une crise économique, disons, ouais. À partir de 1873 et jusque vers ces années-là, une période de crise économique qui est moins sensible d'ailleurs dans les mines de charbon que dans d'autres secteurs économiques, qui est un peu particulière à la France par rapport à d'autres pays, mais on en sort dans les années 1895, quoi, où là on repasse à une phase d'expansion économique dans les mondiales, voilà. Et ce qu'il faut souligner, c'est que les salaires dans la mine aux mineurs de Montieu sont plutôt supérieurs à ceux des autres compagnies. Oui, alors disons là, ce qui est intéressant à mon avis, c'est de reprendre globalement la comparaison entre les mineurs de la mine aux mineurs et les mineurs des autres mines du bassin, avec plusieurs critères. Donc sur le plan des salaires, jusque vers 1895, c'est à peu près les mêmes salaires. Ensuite, c'est supérieur, puisque en Assemblée générale, ils votent des augmentations de 10%, bref. Donc, c'est supérieur. Là, mais pas forcément dans des grosses proportions, quand même. Sachant qu'évidemment, les niveaux de vie ouvriers, à l'époque et aujourd'hui, c'est pas du tout la même planète. On a la question du temps de travail. Alors là, la mine aux mineurs de Montieu, c'est la première à appliquer les 8 heures. Des compagnies de la Loire. Par contre, ce n'est pas les 8 heures au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est les 8 heures... Alors, en fait, j'ai ça dans les antisèches, c'est les 8 heures comprennent d'une part une demi-heure de repas au fond et d'autre part un temps pour le trajet entre le chantier et la sortie du puits. Sachant que quand on compte les horaires dans les mines à l'époque, on les compte au chantier, mais qu'il peut y avoir... trois quarts d'heure dans chaque sens entre l'entrée du puits et le chantier, puisqu'il y a des trajets qui font parfois un kilomètre sous terre, et en plus dans des trajets qui sont parfois pas commodes du tout. Donc du point de vue des horaires, elle est en avance socialement. La grosse différence, c'est clairement la participation aux décisions. Le monde de la mine, c'est un monde hiérarchisé et assez autoritaire. Il y a beaucoup d'ingénieurs ou de dirigeants de compagnie, les mineurs, ils sont là pour obéir. Alors, il faut nuancer parce que, comme c'est une sorte de labyrinthe souterrain, on ne peut pas vraiment contrôler ce que font les gens. Donc les équipes ont quand même une autonomie assez large, mais les ordres sont les ordres et voilà, il n'est pas question de dire non, sinon on prend la porte. C'est comme ça. Alors, dans la mine aux mineurs, il y a des assemblées générales entre 3 et 4 fois par an, avec des débats qui sont toujours assez animés, où tout le monde peut s'exprimer. Bon, après, je ne dis pas que les rapports humains ne sont pas parfois rugueux, je pense qu'ils l'étaient parfois et que parfois ils s'engueulaient bien copieusement, mais en termes de démocratie dans l'entreprise, on n'est pas du tout sur la même planète que les compagnies. Et puis, il y a un autre point de la comparaison qui, lui, n'est pas à l'avantage de la mine aux mineurs de Montieu, c'est la question des retraites. C'est-à-dire qu'en 1894, donc 3 ans après la fondation, il y a la loi sur les caisses de secours minières, qui est une date très importante dans l'histoire sociale française, puisque c'est la première loi qui institue des assurances sociales obligatoires en France. Voilà, c'est l'ancêtre de la sécurité sociale, c'est la première étape. La sécurité sociale aujourd'hui, c'est des assurances sociales obligatoires pour tous les salariés. Et bien là, c'est le début de ça. La première application de ce type de principe, après de très très longs débats à l'Assemblée nationale. Alors, la mine aux mineurs applique la loi, mais seulement formellement. C'est-à-dire, elle dit, on crée une caisse qui, elle perçoit la retenue de 2% sur les salaires, qui est la règle fixée par la loi. Mais par contre, elle ne fait pas de caisse séparée dans sa comptabilité. Elle se contente de... En gros, les 2%, ils rentrent dans la caisse globale, puis quand il y a des choses à payer, on prend sur la caisse globale, on met ça dans... On attribue ça à la rubrique frais généraux. Sauf que quand elle fait faillite, il n'y a pas de réserve financière pour payer les retraites. Et donc là, la loi n'a pas réellement été appliquée. Alors pendant cette belle période, on accumule des fonds de réserve qui vont être utilisés pour approfondir le puits Marinoni jusqu'à 330 mètres. Oui. Et alors l'idée, c'était d'atteindre la fameuse 8e couche. Alors là-dessus, tu as des choses à nous révéler. Oui, j'ai fait une petite recherche aux archives départementales et j'ai trouvé que la plupart de ce qui est dit sur la fin de la mine aux mineurs, ben, c'est pas vrai, c'est faux. Voilà, parce que quand on va dans les archives, ben, parfois on trouve des choses qui contredisent ce qui a été écrit dans tout un tas d'articles. Alors, en fait, il n'y a pas eu seulement des investissements dans le puits Marinoni. Hein. Il y a eu d'autres puits qui ont été foncés, des travers-bancs qui ont été faits. Voilà, on a dans le dossier de concession, justement, tous travaux dans une mine de charbon, dans une mine, devait avoir été autorisé par l'administration des mines. Donc il y avait des courriers pour dire on veut faire un travers-banc de tel à tel endroit, est-ce que vous nous autorisez ? En plus, là, ils ont eu besoin à un certain moment de traverser l'investison du pont de l'Âne. L'investison, c'est une zone où on ne sort pas le charbon parce qu'il y a des choses au-dessus. Et donc en dessous des voies ferrées du pont de l'Âne, eh bien, c'était interdit de sortir le charbon. Mais comme ils avaient besoin de faire un travers-banc pour passer par là, ils ont demandé l'autorisation, par exemple. Et donc, oui, ils ont découvert, alors il faut savoir, le sous-sol de Saint-Étienne. Franchement, si vous voulez comprendre quelque chose à ça, vous allez au musée de la mine et vous regardez la grande maquette qui avait été faite pour l'exposition universelle de 1889, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et là, vous voyez comment c'est fait. Bah, c'est pentu dans tous les sens, il y a des failles dans tous les sens. C'est un bazar assez invraisemblable. Bon, et donc... Ils ont fait des sondages, ils ont cherché, ils ont trouvé un lambeau de la 8e couche qui était une des vaches à lait de pratiquement tout le nord de Saint-Étienne en termes de charbon. Une couche de plus de 2 mètres de puissance en moyenne, en minimum je dirais, mais parfois plus que ça. Faut savoir quand même que les couches de charbon, on n'en trouvait pas tous les 10 mètres, hein, on en trouvait plutôt tous les 100 ou 150 mètres. Et donc on tombe là-dessus, un lambeau qui n'avait pas été exploité, et donc qui aurait été très riche. Le problème, c'est que la 8e couche, c'est aussi celle du puits Jabin, où il y a eu deux grandes explosions minières, dont une qui a fait presque 200 morts. Voilà. Et donc, on a les courriers avec l'administration des mines, où ils disent, on veut mettre ça en exploitation, est-ce que vous nous donnez l'autorisation ? Puis l'administration des mines qui répond, comme elle l'aurait fait pour n'importe quelle compagnie, il n'y a pas de traitement de faveur de ce point de vue-là, de défaveur de ce point de vue-là, qui répond, oui, on veut bien, mais il faut mettre un gros ventilateur dans tel puits, parce qu'il faut amener l'air, il faut en particulier éviter qu'on risque d'avoir du grisou et des explosions de grisou. Alors bon, sur les explosions du puits Jabin, moi, je pense que c'est plutôt les poussières que le grisou, et je pense que ça s'argumente, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, qu'il faille prendre des précautions de sécurité, c'est totalement une évidence. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, en fait, la mine aux mineurs n'a pas assez d'argent pour installer ce gros ventilateur, et ce lambeau de la 8e couche, en fin de compte, n'a pas été exploité, contrairement à ce qui est écrit dans beaucoup d'articles. Eh bien, tu parlais de l'exposition universelle de 1889. On va changer d'ambiance, mais rester dans la même année avec une deuxième illustration musicale. On écoute le grisou, souvenir de Verpilleux. Autour du puits presque insondable, on entend résonner soudain comme le fracas formidable d'un cataclysme souterrain. On sent trébucher les murailles, on voit se crevasser le sol. Il passe un vent de funérailles qui vous suffoque dans son vol. Horreur, c'est le grisou qui passe.

voix de Béatrice Moulin à nouveau sur le 89.5 de Radio Dio qui nous emmène directement vers la conclusion et la dernière partie de cette émission mensuelle du Grémos. On en était donc sur la fin de la mine mineure. Alors, j'ai sous les yeux des petites notes prises aux archives départementales et qui détaillent un peu la fin. Donc, le lambeau de la huitième couche est trouvé en novembre 1904. Donc, la mine mineure commence à l'exploiter en novembre 1905 et elle a demandé l'autorisation à l'administration des mines qui a donné une autorisation pour 2 ans pour installer la ventilation nécessaire avant l'exploitation elle-même. Mais en décembre 1906, le délai de 2 ans a expiré. La mine mineure n'a pas les moyens de financer l'aérage. En 1907, en mai 1907, elle dit « Voilà, on fait des gros travaux, mais on pourra s'en sortir que si on sort 50 tonnes par jour. » Et l'ingénieur des mines, le préfet et l'ingénieur des mines, l'administration des mines, rejettent cette demande. En 1907, à nouveau problème, il y a le ventilateur du puits Antonia qui s'est cassé, donc il faut faire des travaux. Voilà. Et ils ne sortent pas le charbon de ce lambeau de 8e couche. Ils sont de plus en plus étranglés financièrement. Ils ne trouvent pas non plus de banquiers pour leur prêter l'argent nécessaire. Et donc, en 1908, la mine est déjà pratiquement presque en liquidation et elle cesse en 1909. Mais il faut bien comprendre, encore une fois, que quand on a enlevé le charbon à un endroit, il n'y est plus, il faut en trouver plus loin. Donc on est à la fois dans l'abandon des champs d'exploitation et le fait qu'il n'y a pas assez d'argent pour continuer. C'est comme ça que s'arrête la mine mineure de Monthieu. Et encore une fois, le syndicat essaye de combler les déficits et puis quelques notables locaux qui participent au fond. Mais tout cela ne suffit pas. La mine ferme en mars 1909. Alors, Jean-Paul, à la fin du 19e siècle, avec cette expérience de la mine aux mineurs, on peut dire que s'est posée la question de rendre une société plus juste, plus égalitaire dans le monde du travail. Question qu'on peut dire repoussée à la fin du 19e, mais elle a été toujours une question fondamentale au cours du 20e et même aujourd'hui. De toute façon, c'est une question qui traverse tous les mouvements populaires travers les siècles. C'est-à-dire que ce soit du Moyen-Âge, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, la question est la même. Moi, ce que je vois aussi dans cette affaire de la mine mineure, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, alors sous une forme un peu différente, la discussion sur les communs. Puisqu'il s'agit bien d'une gestion collective, il s'agit bien de discussions sur la gestion collective, d'une part d'une entreprise, et d'autre part des richesses minières. C'est une question qui se pose depuis très longtemps. L'Empire romain avait déjà des systèmes de concession des mines, c'est-à-dire que les couches de minerais, quelles qu'ils soient, était considéré comme une richesse publique et c'était l'Empire qui attribuait la concession à tel ou tel entrepreneur. Voilà, donc c'est de ce point de vue-là, le système des concessions minières est vraiment très très ancien, même s'il a connu pas mal de vicissitudes. C'est toujours la même question qui ressort derrière. Est-ce que c'est normal que des compagnies minières fassent des profits énormes alors que les ouvriers, eux, ont un niveau de vie qui n'est absolument pas comparable avec celui des dirigeants de l'entreprise. Et alors que ces compagnies exploitent ce qui est bien une richesse collective. C'est exactement comme les questions sur la gestion de l'eau, sur la gestion des déchets, Et c'est des questions qui sont reprises actuellement par pas mal de chercheurs, mais on voit bien le débat des communs aujourd'hui, c'est pas du tout le débat sur les coopératives vers 1891 ou vers 1900, mais on voit bien quand même, dans ses formes, il est assez différent, mais on voit bien quand même qu'il y a une continuité. Voilà, Une conversation qui a été extrêmement riche de la part de Jean-Paul, qui a beaucoup cherché en matière de mines. Une conversation qui nous a permis un peu d'avancer sur cette période de la fin du 19e siècle. Et c'est là-dessus qu'on peut faire un petit peu de rappel, puisqu'avant de retrouver le Grémos le mois prochain, eh bien, on vous redirige vers le site internet grémos.fr où vous retrouvez toutes les explicatifs des différentes publications et différentes émissions de radio, et vers le site de radiodio.org où vous pouvez accéder au podcast et réécouter les différentes émissions en fonction des thématiques qui vous intéressent. Et on va finir ce programme avec un agenda sélectionné par Radio Dio et le Grémos que, Maurice, tu vas nous faire le plaisir de dispenser aux auditeurs et auditrices. Oui, alors quelques événements qui sont aujourd'hui et demain. En ce moment, à Saint-Étienne, nous avons une exposition intitulée « Firmini, la vie 57 » à la Galerie A d'Hervé Nègre. Cette Galerie A se situe au 8 rue Robert à Saint-Étienne et les photographies sont d'André Gazu. L'ouverture de cette exposition est prévue du 4 au 21 mai. Nous sommes donc dans une période limite pour aller voir « Firmini, la vie 57 ». Et puis, rappel en ce qui concerne la prochaine conférence du monde du travail, qui est intitulée « Les accidents du travail » et qui a lieu ce soir, le 19 mai 2022. Ce jeudi. Alors, donc, pour hier, pour qui écoute en rediffusion. Et pour ceux qui... Oui, bien sûr. C'est l'Institut supérieur du travail. La question sociale semble redevenir d'actualité dans de nombreux discours, le pouvoir d'achat constituant la préoccupation principale. Pourtant, les accidents du travail constituent un aspect important de l'expérience du travail, principalement pour les catégories populaires, les employés, les ouvriers. Or, malgré son caractère massif et meurtrier, cet aspect est invisible dans les débats, que ce soit les débats politiques, la presse ou les médias. Alors que se multiplient les émissions caritatives, personne n'évoque les morts par l'amiante et les accidents du travail. C'est afin de rompre avec ce silence et ce déni que l'Institut du Travail accueille Véronique Daubas-Letourneux, qui travaille depuis des années sur ces dimensions. Véronique Daubas-Letourneux est sociologue, enseignante, chercheuse à l'École des hautes études en santé publique et est membre du laboratoire AREN. Elle vient de publier « Accidents du travail, des morts et des blessés invisibles, Paris, Bayard ». La conférence a donc lieu ce soir, jeudi 19 mai, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Elle a lieu de 18h à 20h à l'amphi 001 du département des études politiques de l'université Jean Monnet. Nous sommes au 77 rue Michelet à Saint-Étienne. Alors, une petite précaution pour y accéder. Il y a en ce moment des travaux en cours sur le site Tréfilerie et le lieu de la conférence est déplacé de quelques centaines de mètres, mais tout sera bien indiqué et nous pourrons y accéder. C'est une précision qui fait honneur à ton côté historien, je trouve. Et puis, à signaler, deux expositions. Une exposition au Musée de la Mine qui a lieu jusqu'au 31 juillet, qui est intitulé « Habiter l'héritage post-minier », et une exposition aux archives municipales de Saint-Étienne, qui est prolongée jusqu'au 11 juin, et qui est intitulée « Qu'est-ce qu'on mange ?». À signaler un rendez-vous qui n'aura pas lieu, qui a été annulé, mais il est important que nous le signalions. Oui, c'est bien dommage. C'est le rendez-vous Trace à Saint-Étienne qui était prévu pour le mardi 24 et le mercredi 25 mai. Elle avait lieu à l'université Jean Monnet. C'était une table ronde qui nous régalions à l'avance, qui était intitulée « L'héritage des luttes chez les jeunes ». Donc, dites-le autour de vous. D'autant qu'on a beaucoup annoncé cette date sur Radio Dio depuis un moment, qu'on se réjouissait aussi de ce superbe plateau et table ronde. Donc, redites-le autour de vous, la table ronde, l'héritage des luttes chez les jeunes, prévue à l'Université Jean Monnet, est annulée. Et puis, bien sûr, signaler, dans le cadre du centenaire de la Cinémathèque, un certain nombre de journées ou de soirées, notamment dans le cadre de Histoire et mémoire de la guerre d'Algérie, vendredi 20 mai, 14h30, on signale la guerre d'Algérie d'Yves Courrière et Philippe Mounier. Et quelques jours après, mardi 24 mai, 14h30, la blessure, la tragédie des Harkis de Daniel Costel et Isabelle Clark. Enfin, une dernière information à propos des rencontres de la LICRA qui a lieu mardi 31 mai en France à 20h avec la projection et un débat autour du film « La fête est finie » de Marie-Garelle Wes. Merci Loïc. Merci Maurice, merci Jean-Paul d'être venu pour nous régaler de cette émission autour de la mine aux mineurs. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission. L'émission du Grémos est en direct à midi, rediffusée à 19h et le vendredi matin à 8h. Et vous pouvez la retrouver en podcast sur leradioaudio.org. On retrouve le Grémos le mois prochain. Merci messieurs. Au revoir. Merci, au revoir, bonsoir. À bientôt.